Ça fait 40 ans que les Fan Young Cannibals se sont formés à Birmingham. Alors voyez, Birmingham, c'est un peu comme Saint-Thé. C'est une ville indus qui a plutôt bien ramassé, malheureusement. Et comme souvent dans ce genre de situation, ben, la musique est un élément moteur pour tenir bon et raconter des trucs. C'est avec leur second album que les Fan Young Cannibals ont fait exploser les compteurs. She Drives Me Crazy. Nous sommes en 1989 et en même temps, chaleureusement reprisé en 2025. La nuit des temps, Radio Duo. C'est plié, le mec sait tout faire, rédacteur en chef de la revue DayZ, directeur artistique dans la mode, styliste et maintenant musicien. Il a composé les sons de son dernier défilé pop romance et c'est plutôt classe. Voici le génial Ibrahim Camara. Nous sommes en 2025. C'est un vieux compagnon de route. On l'avait vu en live lors d'une des toutes premières nuits sonores à Lyon, il y a un peu plus de 20 ans. Et parmi la pelletée de DJ, quel rafraîchissement d'entendre un orchestre jouer live. Du groove ample, généreux, plein d'utopie revigorante. L'amour est le langage de la joie et de la liberté. Jimmy Tenor, on bascule, petit poussé rêveur. Déjà en 2026. Speak out and finally see what we are about. I have a dream, let's try it out once, let's try it out twice, and third time prevails. Love is the language of freedom, love is the language of joy. It's like mother's milk, it's smoother than silk, and we're all natives. La nuit des temps, l'international de la danse. Thank you. auront fait notre bonheur en 2025. Elles émanent du trio gospel soul mythique Staples Junior Singers. C'est la longue lignée soul qui remonte le Mississippi. Voici le groove Danny and the Caldwells. C'est un peu classique de rêver aux ailleurs, à des pays lointains, aux sonorités tropicales. On reste dans le chic, mais un chic grand ouvert. On ouvre grand les oreilles avec Antiflo. Il a signé chez Compact et Mule Music. C'est le paradis. Ici, c'est le paradis 23. Et on entend même les oiseaux. La nuit des temps, Radio Duo. We'll be right back. Gonna be a start to finisher. You gonna, and people go, when this come out, you're gonna listen to everything, every single word, and everybody's gonna know when you get to the first show after this drop, they're gonna be singing right along and feeling every word. I'm excited for it. I'm excited for it for you. It's gonna be good to see my people. This ain't a happenstance or whim. I love is continual. Love canceled mountain. Yes, I Cette année. Et elle est produite par Omas Kiff, qui a bossé pour Frank Ocean, John Legend ou Erykah Badu. Et on sent même planer l'esprit de Marvin Gaye. Day by day, another war goes C'est notre power play de la semaine. Ibrahim Camara, Make It Pop. Everyone wants to be a star. Who gonna show up on a cloudy day? Make it pop. Make it pop. So romantic. Et voilà, c'est déjà l'heure de fermer les portes de notre bon vieux club sur la voix cristalline de Sylvia Striplin, qui était accompagnée sur ce coup-là par le maître du jazz, soul funk, vibraphone, tout ça à la fois, le génial Roy Ayers. Nous étions en 1981, mais nous avons aussi accueilli pas mal de jeunes gens ce soir sur le dance floor de la nuit des temps comme Foot Shooter et ses chics sons pour se mettre en jambes. Il y avait également les Fine Young Cannibals qui fêtent cette année leurs 40 ans de carrière. Ouibé et Camara qui fait groover les podiums de la mode avec ses influences afro et queer. Jimmy Tonor est venu nous réchauffer depuis le nord de l'Europe. Et Annie and the Caldwells nous a rappelé à quel point les Staple Singers ont compté dans l'histoire de la dance et de la soul. Antiflow a prouvé que le tropicalisme pouvait être facétieux et respectueux. Et Miguel Angel Fuster nous a rappelé que le Venezuela n'était pas seulement une réserve de pétrole pour le vorace Donald Trump, mais aussi un grand pays fait de sa population multiculturelle et à la culture musicale riche comme la période psyché des années 70 et cette bande originale du film La Cuena de Judas. Jill Scott revient avec un nouvel album en 2026 et ça s'annonce vachement bien. Marvin Gaye n'a jamais quitté notre petit cœur qui fait boum boum. Et Sylvia Striplin n'en rate pas une pour nous faire jouer Roy Ayers encore et toujours avec ce Tarzan ironique. Mesdames et messieurs, Roy Ayers. Il est un peu plus de 22h sur Radio Dio. C'était la nuit des temps. Ouais, nous l'avons fait. Comme va le faire dans quelques instants, la joie, la rage et le courage sur les ondes de Dio, comme tous les mois. Et il nous en faut de la joie, de la rage et du courage en sortant de notre bon vieux club. Alors on regarde le ciel de Saint-Étienne. Les étoiles brillent. Elles se confondent avec les ondes de Dio et recouvrent doucement la ville. Buonanotte. Salut. La nuit des temps, l'international de la danse.